C'était un de ces soirs tranquilles de septembre, un jeudi pour être précis. La rentrée des classes avait déjà eu lieu, Marine avait derrière elle une journée harassante. Entre l'étude d'un texte d'Apollinaire, elle avait décidé d'initier ses plus grands élèves au poème imagé de l'auteur, la présentation des trois romans que les premières devaient se farcir ce premier trimestre, et les rappels de règles de base de la rédaction d'une lettre, elle fut contente de pouvoir retrouver le calme de son appartement et surtout les bras d'Adam. La vie s'écoulait paisiblement avec des pics de plaisir de temps en temps. Le jeune homme et elle passaient beaucoup de temps ensemble, même s'ils ne partageaient pas le même logement. Cela n'arriverait sans doute jamais. Adam habitait près de son boulot et elle à quelques kilomètres du collège où elle enseignait les lettres, au total une bonne soixantaine de kilomètres. On était donc jeudi. Les coquineries littéraires du jour précédent, émission au cours de laquelle Adam mettait en onde la voix de Marine qui lisait des textes érotiques, s'étaient déroulées de manière tout à fait habituelle. Le jeune homme, le souffle court, avait bu les paroles de son ami en oubliant pratiquement de mettre en route les musiques d'interlude tant il était troublé. Cela avait beau arriver chaque semaine, Marine en était elle-même toujours autant émerveillée. Depuis janvier dernier, moment où ils s'étaient rapprochés vraiment, celle-ci initiait Adam au plaisir sexuel et le dévergondait du mieux qu'elle pouvait. Il était un amant attentionné, curieux et très doué. Il y avait longtemps qu'ils avaient passé une soirée ensemble. Parfois, son ami la rejoignait après son boulot, mais ce n'était pas avant minuit. Ce soir-là, la jeune femme voulait lui faire découvrir quelque chose. Sachant combien il était pudique, elle était certaine qu'il n'avait jamais osé regarder un film érotique et s'il l'avait fait, c'était certainement seul. Elle avait préparé quelques petites choses à grignoter, une bouteille de vin léger et un dessert comme Adam les aimait tant. Ils étaient devant la TV. Elle lui proposa de regarder un film sans lui dire de quoi il s'agissait. Il y avait une chaîne qui en diffusait toute la journée et que Marine regardait de temps en temps. C'était en majorité des films très soft, réalisés par des femmes en majeure partie, et pour les femmes. Pas du porno, juste de l'érotique. Ils étaient assis côte à côte, dans le canapé blanc. Leur dîner se trouvait sur la table basse y faisant face. Un verre de vin rouge, bio, pour chacun. Ce n'était pas très confortable pour manger, mais cela leur permettrait de changer de position, de se blottir l'un contre l'autre ou plus, au moment où, bien sûr, Adam n'était au courant de rien. Elle aurait eu peur qu'il refuse de mater ce genre de choses. Elle était certaine que ce n'était pas dans ses habitudes de... Donc, ils commencèrent de manger, en évoquant leurs journées respectives. Marine attendait 20h58. C'était précis. C'était l'heure où un court-métrage d'Éric Alouste devait commencer. Cela durerait une dizaine de minutes tout au plus et puis on verrait si le jeune homme serait tenté pour rester sur la chaîne. 20h58. L'image très soft d'une jeune femme devant un clavier d'ordinateur. Ses yeux de biche, une jolie bouche, les doigts qui tapent. Les dents qui mordillent la lèvre inférieure. Adam regarda Marine. C'était encore une de ses initiations. L'homme, dans le film, s'occupait de la jeune personne affriolante. Celle-ci se masturbait par-dessus son string et lui léchait l'oreille, le cou. Adam, de manière presque imperceptible, commença de respirer plus profondément. Cela ressemblait à cette réaction qu'il manifestait quand il écoutait Marine le mercredi soir. Il écartait les jambes et elle voyait les ailes de son nez vibrer. Dans le film, on ne distinguait que des morceaux de l'un ou l'autre. Les mollets de la jeune fille, sa langue sur ses lèvres, le nez de son partenaire. Marine se demandait quand Adam réagirait vraiment. En ce qui la concernait, ce genre d'image lui faisait toujours de l'effet. Comme elle avait déjà regardé le film plusieurs fois, elle savait qu'il y avait deux scènes plus chaudes qui n'allaient pas tarder à arriver. La première, c'était une fellation. L'art et la manière avec lesquels l'actrice s'occupait du membre de son partenaire plairaient certainement à son amant. Elle engloutissait son sexe avec gourmandise en le regardant dans les yeux, le faisant entrer et sortir de sa bouche. Il y avait des bruits très mouillés de quelque chose qu'on suce. La hampe de l'acteur était magnifique. Une bonne longueur, un diamètre très appréciable, avec beaucoup de relief. Et le gland tout aussi appétissant. Et puis, il y avait cette scène, juste assez longue pour mettre les envies au creux du ventre, de manière déterminée, urgente et sans retenue. Celle où le monsieur pénètre la demoiselle, par derrière, en la maintenant contre lui. Les mouvements de son corps à lui et, de temps en temps, les gros plans du visage de la belle étaient sublimes. Adam commença de se tortiller dans le divan. Son jeans l'enserrait, il se sentait mal à l'aise. Avec sa retenue habituelle, il n'avait bien sûr pas dit à Marine combien ces 10 minutes l'avaient excité. La jeune femme avait remarqué son trouble, ses longs cils qui battaient de plus en plus vite, sa lèvre inférieure qu'il mordillait et sa respiration. Ses mains étaient agitées de petits tremblements, ses jambes étaient largement ouvertes. Finalement, au moment où il ferma les yeux, la jeune femme prit sa main pour l'amener vers son entrejambe à elle et mit la sienne à la même place, chez son partenaire. Il sursauta, mais garda les yeux fermés. Regarder autre chose pour le moment n'était pas de mise. Lentement, Marine repoussa la table basse, puis elle reprit ses caresses. Elle ouvrit le pantalon du jeune homme, baissa le vêtement et le boxer en serrant son sexe adorable. Il surgit, comme un diable hors d'une boîte, lui prouvant qu'il était temps qu'elle agisse. Il se laissa faire, il la laissa faire. Il savait qu'ils y prendraient autant de plaisir l'un que l'autre. Il sentait sa bouche, juste au-dessus de son sexe, douce. Et puis elle entreprit de l'échouiller son gland. Comme elle faisait bien ça. Elle s'attardait sur le frein, puis elle introduisit sa langue dans le méa. Il frissonnait, retenant ses soupirs en gardant les dents serrées. Tout en continuant de s'occuper de son membre, son amie palpa ses bourses. Elles étaient lourdes, la peau en était tendue. Je continue. Tu t'occuperas de moi après ? Pas très loquace, Adam, mais bon, elle savait, heureusement, à quoi s'en tenir. Elle continua donc. Elle effleurait très légèrement la place entre les testicules et l'anus de son amie. Elle se disait que si l'excitation du jeune homme était aussi intense que celle qu'elle ressentait quand elle se caressait à peu près au même endroit chez elle, ce serait « waouh » pour lui. Et visiblement, c'était le cas. Son souffle était de plus en plus précipité. Son sexe était dressé à présent. Un peu de sperme perlait à l'extrémité de son gland. Tout n'était que tension chez lui. Celle de son membre, de son ventre, de son visage. Il déchargea. De longs jets transparents, liquides. Elle sourit. Elle prit des lingettes se trouvant à proximité pour éponger le désastre qui avait maculé le canapé blanc et le ventre du jeune homme. Elle n'en avait pas fini. Oui, elle était toujours heureuse de le gâter. Elle y prenait énormément de plaisir et c'est certainement en grande partie pour cela que son partenaire jouissait si fort, mais elle voulait le sentir en elle. Le programme à la TV avait continué. Quand elle avait reculé la table basse, elle avait diminué le volume de l'appareil. C'était quelque chose de moins soft à présent. Cela l'excitait moins, mais ce n'était pas le cas d'Adam. Il reprit un peu ses esprits et... un couple, sur un lit. La jeune femme couchée sur le flanc, l'homme derrière elle. Il devait lui dire des trucs coquins parce qu'elle gloussait. On voyait ses mignons petits seins s'agiter à chacun de ses rires. Il lui en serra la gorge en soufflant dans son cou et en descendant la bouche plus bas. Adam s'imaginait faire pareil à Marine. Puis, l'homme passa les doigts entre les fesses de la jeune femme. De temps à autre, il lui claquait le postérieur. Chaque fois que cela se produisait, on voyait le visage de la martyrisée en gros plan. Elle avait l'air d'aimer ça. Elle fermait les yeux avec volupté. Il faut dire que chaque fessée se terminait par une caresse, mais tout de même, son arrière-train était rouge et crevisse. Cette violence contenue avait l'air d'émoustiller Adam. La femme était à présent sur le dos. Elle se caressait les seins, tandis que la langue de l'homme taraudait son clitoris et son majeur, son sexe, qui ruisselait. De temps à autre, il quittait son vagin et passait les doigts trempés entre ses fesses près de son anus. Elle avait une jambe relevée et profitait visiblement des caresses qui lui étaient prodiguées. Adam soupirait. Il avait envie d'une position semblable avec Marine et surtout que son amie lui donne le sentiment d'avoir autant de plaisir que l'actrice. Il fit donc s'installer la jeune femme sur le dos dans le canapé blanc et relever une jambe. Cela permettrait peut-être aux membres d'Adam de s'enfoncer plus loin encore dans le sexe de Marine. Et puis l'angle serait différent de celui dont ils avaient l'habitude, qu'il soit sur elle ou le contraire. De temps en temps, Adam jetait un coup d'œil à la TV comme pour se rassurer. Oui, il était en bon chemin pour faire jouir Marine très fort, comme dans le petit film. L'actrice se caressait à présent clitoris. Elle avait la croupe tendue vers l'homme et celui-ci la pénétrait lentement. Son buste à elle et sa jolie figure étaient plaqués au lit et les mouvements de l'homme la faisaient gémir. De temps en temps, elle passait sa main sur son bouton. L'homme lui caressait les fesses tendrement, tout en continuant de la labourer. Des va-et-vient de l'acteur dans son vagin et les frictions qu'elle exerçait sur son petit poids eurent raison de leur plaisir. Adam redoublait d'énergie. Il fallait que Marine hurle. C'était obligé, puisque dans le film, cela se termine de cette manière. Elle couinait à présent. Elle gémissait et sa jolie tête faisait des allers-retours sur le coussin cerise que le jeune homme avait mis à l'extrémité du canapé. Elle mouillait abondamment. De temps en temps, sa main cherchait son clitoris ou sa rosette. Il se déchaîna et dans un souffle lui chuchota « Tu aimes quand je te baisse comme un salaud ?» « Tu aimes de te faire démonter la chatte, hein, c'est ça ?»« Continue, je viens. »« Je vais assez profond, tu vas prendre ton pied ?» Il n'avait jamais parlé de cette manière crue, mais le fait que ce soit des murmures et non des cris, cela avait un pouvoir érotique bien plus grand que s'il avait parlé de sa voix grave un peu sourde. Bien sûr, elle aimait le timbre de son Adam, la manière un peu précipitée qu'il avait de parler parfois, comme pour se soulager d'un secret. Ici, cela ajoutait tant d'intimité à leur échange, même si c'était un langage auquel ni l'un ni l'autre n'était habitué. Elle commença de grogner, secouée par de grands tremblements. L'orgasme était proche. Une petite voix dans sa tête lui disait « Lâche-toi, tu lui dois bien ça. Tu ne trouves pas qu'il s'est donné comme jamais aujourd'hui? T'as pas envie qu'il sache combien tu aimes quand il te fait jouir comme ça ?» Allez, hurle, plus fort, encore plus fort. C'est ce qu'elle fit. Elle cria combien elle l'aimait, combien il la rendait heureuse en la faisant hurler comme ça, qu'elle n'avait jamais eu autant de plaisir avec aucun homme, qu'il était son Adam, pour toujours. C'était inattendu. Jamais Adam n'avait pu imaginer que tout ce qu'il avait mis en œuvre pour qu'elle explose aurait finalement cet effet-là. Sa bleue, sa délicieuse, si comblé. À son tour, il se laissa aller à une jouissance profonde. À nouveau, il déchargea. C'était moins vigoureux que quelques instants auparavant, mais aussi intense. Il n'y eut pas de cri, mais Marine sentit combien le corps de son amant tressautait, combien son éjaculation était longue. Cela aussi la combla. Il s'était bien trouvé. Elle aimait la manière dont Adam réagissait à ses initiations. Elle aimait Adam. Elle espérait que son amant l'aime autant. Elle n'en savait rien. Il n'en parlait jamais. Elle fondait quand il l'appelait sa bleue. Il y avait tant de tendresse, de respect dans sa façon de le dire. Mais était-ce de l'amour? Il lui était reconnaissant de s'être occupé de son dépucelage. Il adorait la façon tranquille qu'elle avait de s'y prendre, ne le brusquant jamais, alternant les moments doux et plus fous. Il se sentait bien avec elle. Pas materné, même si une bonne quinzaine d'années les séparaient. Ils étaient heureux.